Et on retrouve tout de suite Patrick Pénaud avec ses rendez-vous avec X. C'est une histoire du temps de la guerre froide, même si on parlait officiellement de coexistence pacifique. À une époque où le moindre incident entre les deux blocs pouvait faire craindre le pire, c'est-à-dire l'utilisation du feu nucléaire. Monsieur X exerçait alors un poste de responsabilité dans les services, comme il dit. Vraisemblablement le SDEC, à moins qu'il ne s'agisse de quelque officine parallèle encore plus secrète. Impossible de le savoir, mon interlocuteur tient plus que jamais à protéger son anonymat et ses sources, car je vous l'ai dit, je pense qu'ils sont nombreux autour de lui à alimenter ses dossiers. Agents en activité ou en retraite, mercenaires des services spéciaux, ex-barbouzes, peu importe, ils permettent à M. X de me livrer, semaine après semaine, des informations précises et toujours inédites sur l'histoire de ce demi-siècle. La guerre froide, donc. Nous sommes en 1968. À l'Est, les Soviétiques vont bientôt anéantir avec leur brutalité coutumière les espoirs nés du printemps de Prague. Dans l'autre camp, les États-Unis s'empêtrent toujours plus dans le bourbier vietnamien. Le Nord-Vietnam est quotidiennement bombardé, tandis qu'au Sud, les troupes américaines, de plus en plus nombreuses, s'essoufflent à traquer les maquisards du Viet Cong. En janvier 1968, quelques jours après le déclenchement de l'affaire dont nous allons parler, et beaucoup y verront plus qu'une coïncidence, les communistes vont lancer une grande offensive contre l'armée sud-vietnamienne et son allié et protecteur américain. Ce sera l'offensive du Tet. Approvisionnement et armement ont été clandestinement acheminés par la fameuse piste Ho Chi Minh. À la mi-janvier, les bases de Khe San et Loc Ninh, villes frontières avec le Laos et le Cambodge, sont attaquées. Il s'agit d'un subterfuge destiné à tromper les Américains et à immobiliser les Marines. Pendant ce temps, 84 000 combattants nord-vietnamiens et Vietcong prennent position, profitant de la confusion et de la démobilisation engendrée par les festivités du Nouvel An, le Tet. Ils s'infiltrent par milliers jusque dans Saïgon. Le 31 janvier, ils passent à l'action. Dans la capitale sud-vietnamienne, mais aussi dans 12 autres villes dont Hue. Les Américains ripostent par des bombardements massifs, écrasant sous les bombes combattants et civils, pourchassant les maquisards dans la jungle. Militairement, les États-Unis vont gagner. Provisoirement, car bientôt ce sera l'enlisement. Mais psychologiquement, c'est autre chose. Le général Giap a fait une démonstration de force impressionnante. Quant à l'armée américaine, elle y a perdu son âme. La découverte du massacre de My Lai, massacre perpétré sur des femmes et des enfants par des soldats US, commandés par un lieutenant au visage souriant de teenager, marquera durablement l'opinion publique internationale et contribuera à mobiliser les opposants à cette sale guerre. C'est donc dans ce contexte que va se dérouler l'affaire du Pueblo, l'histoire d'un navire espion américain capturé par les Nord-Coréens. Une histoire qui est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. En 1968, il ne faut pas l'oublier, les États-Unis et la Corée du Nord sont toujours en guerre. Oui, vous voulez dire que la paix n'a pas été signée après la guerre de Corée. Bien sûr, et les incidents sont fréquents entre la Corée du Sud, soutenue et protégée par les Américains et son voisin du Nord. Tout part, il existait une commission d'armistice, hein? Oui, la commission de Pan Mun-jung. Sur le fameux 38e parallèle. Exactement. C'était à la fois un endroit où on pouvait parler entre adversaires et aussi un sas entre les deux Corées. Mais ça n'empêchait pas que la situation restait toujours extrêmement tendue entre le Nord et le Sud. Bah, elle l'est toujours, hein. Oui, Dieu merci, on en est quand même sorti de la guerre froide. Il faut aussi savoir qu'en 1968, le gros problème des États-Unis, c'est le Vietnam. Là-bas, à plus de 16 000 km de chez eux, les Américains sont coincés. Mais coincés... Réellement, ils pensent que c'est là que se joue l'avenir du monde libre. Si le Vietnam tombait aux mains des communistes, selon la théorie des dominos, d'autres pays seraient atteints par la contagion marxiste. Donc, il faut tenir. quitte à envoyer toujours plus de soldats. Il faut avoir ça à l'esprit. Parce que si la jeunesse américaine commence à protester et à dénoncer la guerre, il existe aussi une frange non négligeable de l'opinion qui est favorable à la lutte à outrance. Mais pourquoi pas à l'utilisation de l'arme atomique? Tout à fait. Alors, pour le gouvernement de Lyndon B. Johnson, cette affaire du Pueblo va représenter une véritable épine dans le pied. Car il n'a pas envie d'ouvrir un second front en Asie. Oui, ça se comprend, mais... alors, comment ça commence, cette histoire-là? Le Pueblo, c'est une vieille carcasse, un cargo âgé qui a été transformé en bateau espion par la marine américaine et la NSA. La NSA, hein, c'est l'Agence nationale de sécurité, un service d'espionnage. Oui, hein. Oui, le service le plus important des États-Unis, avant même la CIA, je vous rappelle. Mais un bateau espion, dans ces années-là, c'est quoi, exactement? Dans les cales du Pueblo, on a installé tout un système électronique ultra-moderne qui peut capter les communications, les émissions radar, tout ce qu'aujourd'hui on peut enregistrer avec beaucoup moins de risques grâce aux satellites. C'est quand même une drôle d'idée d'embarquer un matériel aussi performant sur un bâtiment vieillissant. Vous avez tout à fait raison, c'est une des bizarreries de cette affaire parce que le Pueblo est lent. Donc il est d'autant plus facile à capturer. Oui, j'ajoute que toutes ces machines électroniques installées dans les cales sont à l'abri de portes blindées et placées sous l'autorité d'un officier qui n'est pas le capitaine du bateau. Et à 2 mètres à bord alors. Et 2 types qui ne s'aiment guère. Bon. Mais là n'est pas le plus important. Le matériel, les enregistrements effectués, les systèmes de code et de transmission sont donc à l'abri de la curiosité de l'équipage. Mais en cas d'arraisonnement, rien n'est prévu pour détruire ces machines. C'est-à-dire pour éviter qu'ils ne tombent dans des mains ennemies. Voilà. Et là encore, il y a manifestement carence. Mais vous verrez, il y en aura bien d'autres. Des carences volontaires? Ça, vous le verrez bien plus tard. Mais vous m'avez demandé ce qui s'est réellement passé. Dans la nuit du 23 janvier 1968, le Pueblo navigue au large des côtes nord-coréennes dans la mer du Japon. Très près des côtes? Très près, oui. Afin de pouvoir enregistrer les communications terrestres. Oui, mais à quelle distance exactement? La limite des eaux territoriales, c'est 12 000. Et le Pueblo respecte cette limite? Ça, c'est une question importante et controversée. En fait, si vous voulez mon avis, le Pueblo a délibérément violé cette limite, parce que le commandant avait des ordres. Mais on y reviendra. Donc, cette nuit-là, le Pueblo navigue à petite allure quand un patrouilleur nord-coréen apparaît. Par signaux à vue, il demande au Pueblo sa nationalité. Et le commandant répond? Lloyd Bucher, c'est son nom, répond par signaux qu'il est américain. Alors le Nord-Coréen ordonne au Pueblo de se rapprocher, sinon il ouvre le feu. Mais est-ce que le bateau américain a les moyens de répliquer? Pratiquement pas. Ce qui veut dire? Il dispose en tout et pour tout d'une mitrailleuse. Une arme que les marins ne pourraient même pas utiliser s'ils en avaient l'intention, car elle est prise par la glace. Mais est-ce que le commandant du Pueblo obéit à l'injonction du patrouilleur nord-coréen? Non, il signale qu'il se trouve dans les eaux internationales et qu'il n'a donc pas à obéir. Alors le nord-coréen s'approche et commence à louvoyer autour du Pueblo. Pour manifestement l'empêcher de fuir. Bien sûr. Mais j'imagine que le capitaine, comment vous l'appelez déjà là? Bucher, Lloyd Bucher. Oui, Bucher, donc... a certainement averti ses supérieurs. Bien entendu. La radio. Hein. Et que lui a-t-on répondu? Ça, c'est un autre mystère. Il semble que l'amirauté lui ait promis des secours. Mais rien n'est venu. Aucun avion américain. Mais vous avez une explication? Oui. Mais permettez-moi d'y venir plus tard. Encore. Bon. Patient. Non, moi, je vous promets, l'affaire plus tard vous apparaîtra beaucoup plus claire. Pour l'instant, tenons-nous-en aux faits et à ce qui s'est passé cette nuit dans la mer du Japon. Je suis obligé de m'incliner puisque c'est vous qui menez le jeu. Hein. Vous ne le regretterez pas. Donc, il y a ce patrouilleur qui tourne autour du Pueblo. Et bientôt, 3 autres bâtiments nord-coréens arrivent. L'Américain est cerné. Il y a même des MiG qui survolent la zone. Ouais, donc le Pueblo est complètement piégé. Et on lui ordonne de suivre les patrouilleurs nord-coréens en direction de la côte. Oui, mais à bord, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est un véritable cas de conscience pour Bucher. Car l'alternative est la suivante. Ou il obéit aux nord-coréens, ou il saborde son navire. Dans le premier cas, il risque de livrer des secrets dommageables à la sécurité des États-Unis. Dans l'autre cas, il sacrifie ses 80 hommes d'équipage. Que choisit-il? La première solution. D'ailleurs, il n'a guère le choix. Car avant qu'il ait fait quoi que ce soit, un des patrouilleurs se dirige vers le Pueblo et l'arraisonne. Les Américains résistent? Avec leurs armes individuelles. L'un est tué, quelques autres sont blessés. Mais ils se rendent bien vite compte que toute résistance est inutile. Alors, les secrets du Pueblo? Dans la cale, des hommes essaient de détruire tout ce qu'ils peuvent à coups de hache et balancent à la mer des sacs de documents. Mais ça ne suffira pas. La moisson sera incontestablement intéressante pour les communistes nord-coréens. Et où conduisent-ils le Pueblo, là? Dans le port le plus proche, Vonsan. Pour les Américains, c'est un sérieux coup dur. J'ai retrouvé dans le journal La Nation, du 25 janvier 1968, un article qui résume bien l'embarras américain et surtout la gravité de la situation après l'arraisonnement du Pueblo. L'émotion est à son comble au Congrès, où les républicains considèrent l'événement comme un acte de guerre manifeste, Cependant qu'une partie de la 7e flotte américaine a été mise en état d'alerte. Le porte-avions Atomic Enterprise, en route pour le Vietnam, a reçu l'ordre de changer de cap et de se diriger vers la mer du Japon, tandis que M. Goldberg, il s'agit de l'ambassadeur américain à l'ONU, exprimait à M. Tand son inquiétude devant la recrudescence des incidents dans cette région, Washington demandait à Moscou sa médiation afin d'obtenir la restitution du navire. Il ne semble pas cependant que l'administration américaine souhaite répondre à cette nouvelle tension avec Pyongyang par la force. L'ouverture d'un second front ne peut être envisagée à la légère par Washington et pour l'instant bien des détails demeurent dans l'ombre. Le New York Times se demande comment un navire US, équipé seulement d'armes légères, voguait sans protection dans des eaux hostiles. À cela, Washington se contente d'affirmer que le Pueblo, bateau espion de surcroît, se trouvait dans les eaux internationales alors que Radio Pyongyang accuse le patrouilleur d'avoir pénétré à l'intérieur des eaux territoriales nord-coréennes pour se livrer à un acte de provocation. Le lien se fait aussitôt dans tous les esprits entre cette affaire et l'escalade qui va s'amplifier au Vietnam. Cette relation de cause à effet pourrait fort bien être à l'origine des incidents qui, depuis quelque temps, se multiplient le long de la ligne coréenne de cessez-le-feu. Un attentat a même été dirigé contre le président sud-coréen et la commission d'armistice de Panmunjom, qui tient sa 261e séance, connaît un rebondissement d'activité. Aucun des cas de violation des accords d'armistice qui ont pu lui être soumis jusqu'ici par l'une ou l'autre des parties, n'avait atteint cette ampleur. Vous pensez bien que pour les Américains, il n'était pas question de reconnaître que le Pueblo avait pénétré dans les eaux territoriales nord-coréennes. Oui, alors ils ont crié au loup. C'est un raisonnement de leur navire, c'était un acte de piraterie internationale, un véritable acte de guerre. Et les Nord-Coréens, eux ? Bon, ils ont tout naturellement accusé les impérialistes américains d'agression. Ouais, c'était de bonne guerre, si je puis dire. Bien sûr. Mais que pouvaient faire vraiment les Américains ? Ils étaient très embarrassés. Et après avoir demandé en vain l'intervention diplomatique des Russes, ils ont ensuite manié le bâton. C'est-à-dire ça... Ils ont décrété une mobilisation partielle de réservistes. Qu'ils ont envoyés là-bas, en Asie ? Tout de même pas. Mais ils ont bien souligné que ces milliers de réservistes ainsi mobilisés avaient à leur disposition plusieurs centaines d'avions. Puis ils ont procédé à un redéploiement de leurs forces en Asie. Ainsi, des appareils engagés dans la guerre du Vietnam ont rejoint la Corée du Sud. Mais il s'agissait seulement de montrer ses muscles ou il y avait une vraie volonté d'en découdre ? Franchement, les autorités américaines et à leur tête le président Johnson ont longtemps hésité. Et avant d'envisager une action de grande envergure, les Américains ont d'abord étudié d'autres solutions. Lesquelles ? Le premier souci des États-Unis, avant même l'humiliation de l'arraisonnement, c'était tous ces matériels et ces codes ultra-secrets qui se trouvaient peut-être encore dans la cale du Pueblo. Donc, les militaires ont pensé envoyer quelques bombardiers au-dessus du port de Wonsan. Pour couler le Pueblo ? Oui, en envoyant au fond, ils protégeaient ainsi ces secrets. L'opération était risquée. Et un ratage des bombardiers abattus par la DCA nord-coréenne, par exemple, aurait ajouté au ridicule. Alors, dans un deuxième temps, le Pentagone a imaginé un rapt. Le rapt du Pueblo ? Exactement. On envoyait quelques bâtiments militaires, on cernait le port de Wonsan, des commandos montaient à bord, prenaient le contrôle du bateau et le tour était joué. Mais Johnson, si je me souviens bien, Johnson a renoncé. Oui, je crois qu'il a eu peur que les Nord-Coréens ne se vengent sur l'équipage du Pueblo. Et puis, entreprendre une telle action militaire, c'était prendre le risque d'entrer dans l'engrenage d'une nouvelle guerre. Or, Johnson n'en voulait à aucun prix. Donc, il était coincé. Comme vous dites. C'était les Nord-Coréens qui étaient les maîtres du jeu. Et à moins d'enclencher un nouveau conflit que les Américains n'étaient pas en mesure d'engager, il valait mieux faire profil bas. Ce dont les Nord-Coréens ont profité avec beaucoup d'habileté. Oui, c'est-à-dire ? Ils ont fait ça dans le meilleur style de la propagande stalinienne. Très peu de temps après la capture du Pueblo, ils ont rendu publique une confession du capitaine. Le Bucher. Oui. Ouais. Mais une vraie confession. En tout cas, elle était authentifiée par sa signature et Bucher y reconnaissait qu'il espionnait la Corée. Ouais. C'est facile d'estorquer un document sur la torture, physique ou psychologique. Vous avez parfaitement raison, mais dans la partie de bras de fer que la Corée du Nord avait engagée avec les États-Unis, les communistes marquaient là incontestablement un point. J'interromps un instant le récit de M. X car j'ai retrouvé le texte de cette confession ou pseudo-confession dans la Paris Presse la publie dans son numéro du 26 janvier, donc trois jours seulement après l'arraisonnement du Pueblo. Je vous la lis. Le 2 décembre dernier, nous avons reçu ordre du contre-amiral Frank Johnson, commandant de la marine américaine au Japon, de nous livrer à des activités d'espionnage militaire. Mon bateau s'est livré à des activités d'espionnage dans un certain nombre d'occasions, dans le but de réunir des informations concernant les eaux territoriales des pays socialistes. Grâce à ces activités, mon navire a repéré les installations militaires mises en place le long des côtes des pays socialistes, renseignements qui ont été communiqués à la CIA. Il y a peu de temps, nous nous sommes vus confier une autre mission importante par la CIA, recueillir des informations le long de la côte de la province maritime de l'URSS et de la République populaire de Corée. La CIA m'a promis qu'en cas de réussite de cette mission, une importante somme en dollars serait versée aux membres de mon équipage et que je serais moi-même tout particulièrement gratifié. Nous avons camouflé le navire en lui donnant l'aspect d'un bâtiment affecté à une mission de recherche en matière d'électronique océanique. Le commandant Bucher aurait ensuite reconnu que son navire, au moment de l'arraisonnement, se trouvait à 7 milles et demi de la côte, alors que la limite des eaux territoriales de la Corée du Nord est de 12 milles. Nous avons observé, aurait-il ajouté, diverses installations militaires et la répartition des industries, ainsi que le déploiement des forces armées le long des zones côtières orientales. Nous nous sommes dirigés vers un point situé à 7 milles et demi au large de Rodo, où nous avons rencontré des patrouilleurs de la marine coréenne. Nous avons tenté de nous échapper, faisant feu sur les patrouilleurs, mais la situation est devenue plus dangereuse pour nous. L'un de mes hommes a été tué, un autre grièvement blessé, et deux autres légèrement blessés. Il n'y avait plus d'issue. Ayant été capturé, je dis franchement que notre acte était un acte criminel en violation flagrante de l'accord d'armistice. Et le commandant du Pueblo aurait conclu : nos parents, nos femmes et nos enfants attendent impatiemment notre retour. Notre plus grand désir est d'être pardonné par le gouvernement de la République démocratique populaire de Corée. Les Américains étaient donc piégés. Complètement. Ayant abandonné toute idée de récupérer le Pueblo et son équipage par la force, il ne leur restait plus qu'une solution. Négocier. Bien sûr. Ouais. Et donc, subir une nouvelle humiliation. Oui, vous pensez bien que les Coréens ont fait durer le plaisir. Ben, attendez, avant de poursuivre, là, vous n'avez pas parlé de la réaction d'un pays important, la Chine. Là. C'était quand même une affaire qui s'était déroulée tout près de leur côte. C'est juste, mais Pékin ne réagit jamais à chaud. Il se passe toujours quelques jours avant que les Chinois ne publient un communiqué officiel. Et c'est ce qui s'est passé. Un communiqué condamnant Washington, j'imagine. Oui. Ouais. Pékin s'est fait un malin plaisir de souligner que les États-Unis avaient oublié la leçon qu'ils avaient reçue pendant la guerre de Corée. Tout ça accompagné du jargon anti-impérialiste de l'époque. En fait, cette affaire, c'était pain béni pour les Chinois. Mais pour quelle raison ? À l'époque, Pékin avait déjà quasiment rompu avec Moscou. D'ailleurs, bientôt, les deux géants du communisme vont s'affronter militairement sur leurs frontières. Alors tout ce qui pouvait nuire à la connivence qui s'esquissait entre l'URSS et les États-Unis les réjouissait. Ouais, d'autant que c'était quand même la prééminence dans le camp communiste qui était en jeu. Naturellement. Ouais. Pékin et Moscou se battaient comme des chiens pour rassembler autour d'eux le maximum de pays et de partis communistes. Donc les Russes étaient les plus embarrassés, parce qu'ils ne voulaient remettre à aucun prix en cause le rapprochement avec les Américains. Oui, c'est la coexistence pacifique. Oui, mais en même temps, ils étaient obligés, au moins théoriquement, de soutenir Pyongyang. C'est-à-dire la Corée du Nord, oui. Et ça devait drôlement amuser les Chinois. Oui, façon de parler, quand même. Et dans le camp occidental, les choses n'étaient pas non plus très claires. Et dans les services, quand nous avons bien analysé la situation, quand nous avons en particulier compté le nombre d'erreurs et de négligences qui avaient été commises, nous n'avons plus aucun doute. Cette affaire du Pueblo ressortait de la manipulation. Dans le journal Le Monde, du 26 janvier 1968, André Fontaine analyse les enjeux et les embarras du camp communiste après cette affaire du Pueblo. Je le cite. Si l'URSS refuse de s'entremettre auprès de Pyongyang, c'est sans doute parce qu'elle ne le peut pas. Le régime nordiste, fidèle satellite du Kremlin jusqu'à la rupture entre Pékin et Moscou, a profité de celle-ci d'abord pour s'aligner sur la Chine, puis pour reprendre une très grande liberté d'action. Avec Hanoï et la Havane, il a constitué depuis 2 ans une sorte de front anti-impérialiste à 3 qui fait porter l'essentiel de l'effort, non sur l'idéologie, mais sur la lutte défensive et offensive contre l'impérialisme américain. Pour ce faire, les 3 se refusent à prendre parti entre le révisionnisme de Moscou et le révolutionnarisme de Pékin. Tout en profitant au maximum des possibilités de manœuvre que leur assure cette contradiction, ils s'emploient de leur mieux à rétablir entre les deux mecs du marxisme-léninisme l'unité d'action sans laquelle leur avenir commun est compromis. En même temps, ils n'hésitent pas, le cas échéant, à leur forcer la main. Hier, un maître d'orchestre installé au Kremlin qui avait nom Staline, Khrouchtchev, coordonnait les opérations d'un camp socialiste organisé, de même que le Comintern d'avant-guerre, comme une véritable armée. Aujourd'hui, face à une Russie paralysée par la volonté d'éviter l'affrontement nucléaire avec les États-Unis et à une Chine aussi prudente dans les actes qu'elle est catégorique dans les paroles, des pays qui n'ont presque pas de ressources matérielles se paient le luxe de prendre des initiatives de nature à embarrasser prodigieusement leurs puissants protecteurs. Retrouvons M. X. Il affirme que dans le camp occidental, tout non plus n'était pas aussi simple. Il faut d'abord savoir, alors même que les autorités américaines s'étaient résolues à engager des négociations avec les Nord-Coréens, que des voix s'élevaient aux États-Unis pour réclamer des représailles. Mais va-t'en guerre. Oui, on a même assisté à la création d'un comité national, n'oubliez pas le Pueblo, dont l'objectif était d'exiger une action armée contre la Corée du Nord. Et qui était à la tête de ce comité ? Des conservateurs et des gens appartenant à l'extrême droite, certains très proches des militaires. N'oublions pas qu'on est en pleine guerre du Vietnam. Ouais. Et ça, si je comprends bien, ça a attiré votre attention. Oui, et vous allez voir pourquoi. Mais reprenons la chronologie. Américains et Coréens négocient. Bon, c'est long, compliqué. Ouais, on me dit que les Coréens en faisaient exprès. Hein. Bien sûr, ils vont même multiplier les vexations. Ils vont par exemple faire publier une lettre écrite par l'équipage du Pueblo, lettre destinée à Lyndon Johnson. Écrite dans le style de la confession du commandant Bucher. Naturellement. Le but, c'est de peser sur l'opinion publique américaine qui ne supporte pas de savoir ses boys détenus à l'étranger. Enfin, après des mois et des mois, un accord est conclu. Un accord extravagant. Extravagant, oui. La libération de l'équipage du Pueblo est obtenue après la signature d'un document particulièrement humiliant pour les Américains. Penser que les États-Unis reconnaissent solennellement leurs responsabilités et s'excusent pour les graves actes d'espionnage qu'ils ont commis. Et ils demandent l'indulgence des Nord-Coréens. L'indulgence, on peut effectivement pas s'abaisser plus. Hein. Oui, mais dès que ce document est signé par le négociateur, celui-ci déclare qu'il n'a aucune valeur. Je comprends pas, il y a quand même... L'Américain, il a quand même apposé sa signature. Mais oui, mais alors il prétend qu'il n'a signé que dans un but humanitaire. Pour obtenir la libération de l'équipage. Oui, et il ajoute que les Nord-Coréens savaient à l'avance qu'ils désavoueraient le texte dès qu'ils l'auraient signé. Ça faisait partie de leur accord. C'est une manœuvre diplomatique inédite. Hein. Et même le secrétaire d'État américain, Dean Rusk, devra reconnaître de son côté qu'il s'agit là d'une étrange procédure. Oui. En tout cas, l'essentiel pour les Américains, c'est la libération de leurs hommes. Et le bateau ? Pensez bien que les Coréens l'ont gardé. Bucher et son équipage sont donc libérés. Hein. Après 11 mois de captivité. Et ces 11 mois se sont passés comment ? Bucher affirme qu'il a été battu et torturé. Mais d'autres marins diront le contraire. Quoi qu'il en soit, on ne leur laisse guère la liberté de parler. Dès leur arrivée sur le sol américain, ils sont pris en main par les gens des services secrets. Mais qui veulent les interroger en priorité. Bien sûr. Il s'agit surtout de savoir si les fameux secrets du Pueblo sont tombés dans les mains des Nord-Coréens. Oui, logique, quand même. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on monte une opération rideau de fumée afin de masquer les véritables responsabilités et donc dissimuler les vrais coupables. Et qu'est-ce que c'est, votre opération rideau de fumée, là ? Le commandant Bucher est à peine de retour chez lui qu'on parle de le traduire devant une cour martiale. Oui, de quoi l'accuse-t-on ? De ne pas avoir sabordé le Pueblo afin de préserver les secrets de ses cales. On l'accuse donc d'avoir sauvé son équipage, quoi. À peu près ça. Heureusement, des voix s'élèvent en faveur du marin. Mais il est quand même convoqué devant une commission d'enquête. Oui, on veut en faire un bouc émissaire. Exactement. Mais l'opération va se retourner contre ses initiateurs. Parce qu'au fur et à mesure des travaux de cette commission, on va découvrir une partie de la vérité. Une partie seulement ? Oui. Les vrais responsables étaient trop placés. Mais que découvre-t-on quand même ? Première information, elle est de taille, on apprend que le commandant Bucher était très préoccupé par la vulnérabilité du bâtiment qu'il commandait et qui était par ailleurs très lent, je vous le rappelle. Et puis une seule mitrailleuse, hein, c'est ça ? Oui, par conséquent, il a demandé officiellement de pouvoir disposer de canons, mais on lui a refusé. Qui ? Le patron de la marine en Extrême-Orient, le contre-amiral Johnson. Ne pas confondre avec le président Johnson. Oui. Et pour quelle raison ? Johnson a prétexté que cet armement supplémentaire risquait d'alourdir le bateau. Curieux, ça. Comme vous dites. Et Bucher avait dû s'incliner. Oui, mais le contre-amiral l'avait rassuré. Si vous vous trouvez en difficulté, les avions de l'US Navy et de l'Air Force voleront aussitôt à votre secours. On a vu ce qu'il en était. Bucher et son équipage ont été abandonnés à leur sort. Alors justement, pourquoi aucun avion américain n'est intervenu ? Le contre-amiral, toujours lui, a prétendu que les avions dont il pouvait disposer se trouvaient alors trop loin pour intervenir efficacement. Quant aux appareils basés au Japon, ils ne pouvaient être utilisés que pour la défense du Japon et pas sur un théâtre d'opération extérieur. Et tous ces arguments-là, ça vous paraît sérieux? Non, et je vais vous le prouver. La veille même de l'arraisonnement du Pueblo, Johnson avait fait venir d'Okinawa une demi-douzaine de chasseurs en Corée du Sud afin de protéger un autre navire espion, le Banner. Comme ce bâtiment, lui, n'a pas été attaqué, ces avions auraient très bien pu venir immédiatement au secours du Pueblo. Oui, mais personne ne leur a donné l'ordre de décoller. Hein? Non. Ouais. Vous sous-entendez qu'on a donc tout fait pour que le bateau tombe aux mains des Nord-Coréens, enfin. Ça me semble clair, non? Peut-être, mais ce sont quand même seulement des supputations. Pas du tout. Écoutez encore, la NSA, l'Agence Nationale de Sécurité, avait eu des soupçons. Des soupçons, quel genre? Ce service secret avait eu vent que les Nord-Coréens comptaient tenter une action contre le navire espion Pueblo. La NSA, très normalement, a donc envoyé un message à l'état-major de la flotte du Pacifique, demandant que le Pueblo soit protégé au cours de sa prochaine mission. Mais le message n'est jamais parvenu à son destinataire, l'amiral Sharp, qui commandait alors les forces américaines dans le Pacifique. Et qu'est-ce qui est devenu ce message? Il a été intercepté par des gens qui ne voulaient absolument pas que le Pueblo soit protégé. Des gens qui appartenaient donc au sérail et qui occupaient les plus hautes fonctions. Bon, admettons, mais quel était l'objectif de ces gens, comme vous dites? C'est clair. Ils voulaient provoquer un incident très grave entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et pourquoi? Pour contraindre le président Johnson à utiliser la force. La force, l'arme atomique? Évidemment. Ces docteurs Folamour voulaient en finir une fois pour toutes avec les communistes en les écrasant sous des bombes atomiques, au risque, bien sûr, de provoquer un embrasement de la planète. Heureusement, Johnson ne les a pas suivis. Refusant de suivre les avis de la commission d'enquête de la marine américaine, l'administration du nouveau président Richard Nixon a lavé de tout soupçon le commandant Pucher. Les parlementaires américains ont aussi enquêté sur cette affaire. Et voici, selon l'agence de presse UPI, leur conclusion. Le responsable de la perte du Pueblo, le navire espion américain capturé en janvier 68 par les Nord-Coréens, ce n'est pas l'équipage du navire, mais l'état-major, estiment les parlementaires américains. Le rapport, adopté à l'unanimité par la sous-commission des forces armées à la Chambre des représentants, aboutit à des conclusions exactement inverses de celles de la commission d'enquête de la marine américaine, qui avait notamment demandé que le commandant du bateau, le capitaine Bucher, soit traduit en cour martiale. Dénonçant le manque de liaison entre les divers services de renseignement, ce document accuse le haut commandement de n'avoir pris aucune précaution avant d'envoyer le Pueblo, très légèrement armé et sans escorte, le long des côtes nord-coréennes. Un commentaire sévère qui rejoint en partie la version de M. X. À samedi prochain.